Yeah, yeah. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Eh hey, petit, hein, je t'emmène entre les yens et leurs défauts. Vaut mieux faire l'argent secret ou t'as le bon joueur de la Lispo. J'vais rien t'apprendre, c'est fini, y'a plus d'offrande. Les gens se tirent dessus pour le peu qu'il y a à prendre. On serre plus les coudes, les équipes se rétrécissent. Un peu comme ma pute quand une gossesse au striptease. Moi j'suis notice, elle met mon nom sur ta liste. J'sais pas où j'vais atterrir, donc nice, pas sur la prise. Il suffit d'une sirène pour que ta tête se mette en alerte. Il suffit d'une balle pour que ta vie défile et puis s'arrête. Prends ta rêve, plante mon cœur, plane ma lettre sur ma feu. J'crache ma merde au micro, l'antipop retient l'orgueil. Cercueil pas remplacer ma cabine. Eh, hey, si tu tapines, ta vie ne sera pas facile. Les coutures qui est l'homme, soir la pluie tombe sur ma ville. Les petits, n'oublie pas que la mort traîne en civil. Allez viens, ceux qui comprennent je les soutiens. La vie est un combat, mon discours je le maintiens. Allez viens, moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse. Allez viens, ceux qui comprennent je les soutiens. La vie est un combat, mon discours je le maintiens. Allez viens. Moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse. Eh petit, si tu sors fais gaffe aux mauvais garçons. Leur esprit ne se monnaie pas, donc fais bien attention. Les lois ne servent à rien à part nous enterrer. La chance a trébuché, moi je l'ai vu tomber. Puis compte sur toi et ne compte pas sur elle. T'inquiète, t'es pas tout seul, même si ton daron est au ciel. J'ai un visage pâle, malgré la pollution. Je reste le poing levé en attendant la guérison. Eh petit, fais tes choix, me tombe pas dans la délinquance. Ma musique une étincelle, imagine les conséquences. J'ai plus la poisse, ce mérite de ma vie. Petit, fais en sorte qu'on te voit jamais dans le lit. Eh, fais pas crier. Notre époque devient tendue, ça rigole plus. Les cœurs te prennent et te mettent en retenue. Moi, j'ai pas tout vu, mais c'est mort pour que ça s'allège. Un conseil petit, plus le collage, je suis le collège. Allez viens, ceux qui comprennent, je les soutiens. La vie est un combat, mon discours, je le maintiens. Allez viens, moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing, je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse. Allez viens, ceux qui comprennent, je les soutiens. La vie est un combat, mon discours, je le maintiens. Allez viens. Moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse. Eh petit, ça ricote, les poules sont sur écoute. La violence est à la mode, moi je peux pas car ça me dégoûte. Eh petit, serve de nous pour nous mettre en concert. S'ils s'en mêlent, écouteront la semelle de mes converses. C'est la crise dans les foyers, dans les banques qui sont en transe. Tout le monde reprend ses gains, plus personne compte sur la France. Eh petit, fonce pas dans le mur comme Harton. À ce qui paraît, mon son résonne, mon son cartonne. Arrivage de stupéfiant, je le coûte parce que je suis méfiant. Petit, donne pas un rôle, joue pas les méchants. De nos jours, tout est alléchant. Pour risquer sa vie, pour avoir un peu d'argent. Hein. Les hommes d'honneur disparaissent comme la révolte. Écoute, petit, moi je me fous d'être sauvé par les votes. C'est pour les miens, pour mon sauce, D-E-N-O. Si ça c'est le petit, on sera là pour te faire un carreau. Si ça c'est petit, on sera là pour faire un carreau. Allez viens, allez viens, allez viens. Si ça c'est petit, on sera là pour faire un carreau. Allez viens. Ceux qui comprennent, je les soutiens. La vie est un combat, mon discours je le maintiens. Allez viens. Moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse. Allez viens. Ceux qui comprennent, je les soutiens. La vie est un combat, mon discours je le maintiens. Allez viens. Moi je suis pas de ceux qui se rabaissent. Mon poing je l'ai levé, je fais partie de la jeunesse.